chaque fois que je suis foncé, je me dis que je vais arrêter de fumer. Une fois que je suis touché, je me dis que la toucherai plus jamais. Ma dynam, madame Marie-Jeanne, je passe plus de temps avec elle. Elle a rendu jalouse ma femme, elle est belle, Roya vient tout droit d'Amsterdam. Elle tourne dans les halls, pas fume le macadam. Et ça m'inspire, en studio roulant, je joue avant chaque prise. En cabine, je transpire, une brume d'ailleurs sur Belize. En principe, la daronne crie chaque fois que mes yeux rougissent. Un space cake, j'ai soufflé ma 26ème bougie. Les anciens dansent la funk, défonce à la skunk. Ce qui fait bander les jeunes, coffee shop mon époque. J'fume pas la com, elle est coupe au dalope. J'suis du coup tronc, canon le biberon, y'a du pneu dans la clope. A la bouche un perse, elle ne désesse. Numéro 10 sur terrain, y'a des marques Landers. Tu tiens pas la chiche, mec, mais j'n'ayant. Elle ne désesse, c'est moi la brune d'ailleurs. Roya, ça vient d'Abeda, c'est qui ma optique, c'est grave, rack et bédame. Tu tiens pas la chiche, mec, mais j'n'ayant. Elle ne désesse, c'est moi la brume d'ailleurs. Roya, ça vient d'Abeda, c'est qui Maroc, c'est qui? C'est grave, rien qui béda. Contrôle d'identité, c'est pompé dans la console. La patre pas avec ton sourire dans ma nez. Il a du bon, c'est ma hmm. Dans la tour, vois manger l'atmosphère qui t'assomme. C'est Maroc, c'est qui? Sur une taf qui t'empoisonne. C'est tout ce qui nous passionne. Au parloir, les miss fashion, rendent des douces cachées dans la choutre. Verse la Méditerranée, une tonne de semes dans la soute. Diplomatique, baby, la weed, c'est quand tu me saoules. Gros jarbourg dans les blocs, c'est quand y'a le hit. Tout le monde sait que la bonne dynam vient du meurtre, mais du nerf dans le beret. Toujours trône, jamais beret de la mélodie des briques, les berks, c'est spliff digestif. Après la marca, ne te cesse dans le zinca, et descend jamais sans ça de gag. Ghetto youth, Jamaica, featuring Casablanca. Tu as une brume d'aïa dans chaque kawa. Tu tiens pas la chiche, mec, mais j'naya. Elle ne te cesse, c'est moi la brume d'aïa. Roya, ça vient d'Abeda, c'est qui ma optique? C'est grave, rack et bédam. Tu tiens pas la chiche, mec, mais j'naya. Elle ne te cesse, c'est moi la brume d'aïa. Roya, ça vient d'Abeda, c'est qui Maroc, c'est qui? C'est grave, rack et bédam. Un petit pas de danse à la Barry White. De la white window, j'tiens toute la night. J'suis la plaquette cachée sous l'endos. Laisse-moi une latte, mais je ne sais pas pour les ados. 2006, y'a du monde dans la matrice. T'as la corde à linge, prime taille pour les novices. La dose dans le pilon, on n'est pas arrivant. J'ai pas terminé le premier, j'enchaîne le suivant. Tu tiens pas la chiche, mette mich meilleur. Elle ne te cesse, c'est moi la brune d'Aïa. Roya, ça vient d'Abeda, c'est qui ma hostiki? C'est grave, rien qui bédame. Tu tiens pas la chiche, mette mich meilleur. Elle ne te cesse, c'est moi la brume d'Aïa. Roya, ça vient d'Abeda, c'est qui Maroc, c'est qui? C'est grave, rien qui bédame. ILS, ILS. Fais tourner les joints, tous les chemins mènent ta messe. ILS, ILS. Fais tourner les joints, tous les chemins mènent ta messe. ILS, ILS. Fais tourner les joints, tous les chemins mènent ta messe. Haute nous pisse, haute nous pisse. Fais tourner les joints, tous les chemins mènent ta messe. Maghreb sticky. Qui? Qui? Maghreb sticky. Ok, man. Maghreb sticky.